Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes samedi et c'est le moment de votre émission Disco Funk. On démarre comme d'habitude sur les chapeaux de roue avec la découverte du jour. Le groupe s'appelle The Flirts et la chanson Helpless. Elle paraît en 1984. Le groupe il est composé uniquement de femmes et il est produit par un certain Bobby Orlando. Alors je vous rassure, aucun rapport avec Dalida. Le titre sera classé 12e dans les charts US. Le groupe y sortira en tout 6 albums quand même jusqu'en 1992. Alors si vous êtes sage, je dis bien si vous êtes sage, on écoutera peut-être d'autres titres. Sur ce, bonne découverte. We'll be right back. On enchaîne sur les 100 hits qui ont fait le disco. C'est au tour de Lips et son Funky Town. Minneapolis, dans les années 70, est une ville tournée assurément vers le rock. Le funk n'y a que peu de place. C'est ce que raconte Steven Greenberg en 1980 pour parler du hit planétaire Funky Town. Tout commence au Studio 80 quand la chanteuse Cynthia Johnson pose sa voix sur Rock It, un titre composé par Greenberg. Ce dernier part pour Los Angeles proposer le morceau à Casablanca Records et revient dans ses valises avec un accord pour un 33 tours. Il s'entoure de beaux mondes tels que les musiciens de The Time, la première participation de Prince, participation plutôt production de Prince. Parmi les 4 titres de l'album figure Funky Town. C'est un ovni dans lequel se mêlent électro, disco, funk, rock et pop. Le texte, partagé entre la voix robotique de Greenberg et celle puissante et funky de Johnson, parle d'une jeune fille qui veut quitter Minneapolis. Au moment où Funky Town se vend par millions à travers le monde, Prince, lui, il est déjà parti chercher meilleure fortune. Il avait toujours un coup d'avance. C'est bien sûr lui qui deviendra le roi incontesté de la ville, mais ça, c'est une autre histoire. Take me to Funky Town. Allez, on va rester dans les 100 plus grands albums maintenant de tous les temps disco-funk. Alors, You Should Be Dancing, c'est une chanson bien sûr du groupe des Bee Gees, qui est parue sur l'album Children of the World. Vous vous rappelez, c'est celui qu'on écoute des extraits durant ces semaines qui passent. Alors, c'est le premier extrait de l'album à être paru en single. Ça va rencontrer un énorme succès dans les charts américains et canadiens, où elle va se classer à la première place. Elle a aussi été utilisée pour le film Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir. Quoi de plus normal, me direz-vous, car les Bee Gees ont largement contribué à la bande originale de ce film. C'était en 1976 et ça donnait ça. On va passer au maxi. Pour aujourd'hui, on va se faire une tranche de Central Line avec son titre I Need Your Love. C'est paru sur l'album Breaking Points, qui est le premier album du groupe. Alors, la particularité de cet album, c'est qu'il est paru aux USA avec une pochette et des titres totalement différents de ce qui est paru en Europe. Bon, côté récompense, une modeste 64e place dans les ventes US. Bon, alors, le but, c'est pas non plus de passer que des trucs connus. Et rendez-vous en 1982. Nobody else. I need your love. C'est déjà la fin de notre rendez-vous, mais avant de se quitter, il y a la pépite. Alors, In Deep, mis à part Last Night DJ Save My Life, vous connaissez un autre titre ? Eh bien alors, vous allez pouvoir faire les malins quand voici un deuxième. Il s'appelle When Boys Talk. Et il est sorti en 1982 sur le même album que leur chanson la plus connue. Alors, vous allez tout de suite reconnaître les similitudes et c'est normal. Prêt au décollage ? We'll be right back. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Alors je vous dis bonne semaine et puis à samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye.